Tous ces mots qu'on s'est dit gravés dans ton cœur. Joue pas avec le feu, nous c'est trop dangereux. Passer minuit, je rêve pendant des heures. Toi et moi, c'est pas possible, je crois qu'on s'aime trop. Faut que je reste loin de toi. Loin des yeux, loin des drames. Oui, trop tard pour moi. Y'a des je t'aime dans mes pourquoi. Oh ma baby, je cache ta lumière dans mes ténèbres. Pour être le seul à voir comme t'es belle. Je suis en voûté quand tu me parles. Laisse-moi poser mes lèvres sur tes lèvres. J'ai toutes mes réponses à souffler. Sur tes lèvres, je cours vers toi jusqu'à m'essouffler. Sur tes lèvres, encore une minute. Sur tes lèvres, tes souvenirs laissés. Sur tes lèvres, mes baisers sur tes lèvres. Sur tes lèvres, tu m'as séduit en une phrase. Je ferme les yeux guidés par ta voix. Même oser jouer sur tes lèvres. Toi le seul homme qui sait voir mes ailes. Tes peines, mes rancœurs. Reste tes paroles dans mon cœur. J'étoufferai tes baisers en les collant sur mes lèvres. J'oublierai qu'on s'aime pour que tu me rappelles qu'on est seul au monde. Seul.